Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة وذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه ويحمله على معرفته لتوقيه لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به كما قال تعالى الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que le plus grand de tous les péchés, c'est le shirk. Le fait de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, en lui donnant des partenaires ou en adorant d'autres avec lui ou en adorant d'autres que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que c'est le plus grand de tous les péchés. Et que c'est le péché duquel, si celui qui le commet meurt en le commettant, eh bien il ne sera pas pardonné s'il est mort sans s'en repentir. Et ça c'est malgré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour lui-même la miséricorde. Et malgré ça, il ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Et donc, une fois qu'on a compris le danger et la grandeur du péché de commettre le shirk et qu'est-ce que ça représente, eh bien ça doit amener le serviteur à avoir une grande crainte et une grande peur de tomber dans ce genre de péché et de faire le shirk. Et donc, cela doit pousser le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à connaître le shirk et à savoir ce que c'est et comment le shirk se manifeste pour pouvoir s'en préserver et pour pouvoir les éviter. Parce que c'est le plus laid de tous les péchés et la plus grande de toutes les injustices. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes le shirk est la plus grande des injustices. Et la raison pourquoi c'est la plus grande des injustices, c'est parce que c'est quelque chose qui diminue, ou qui tente à rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, ou lui manquer de respect, et de mettre à égalité d'autres que lui avec lui. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui ont mécru et qui ont associé avec Allah en disant qu'ils ont essayé de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Ils ont essayé de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ils essaient de mettre d'autres que Allah à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la base du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ne donnez pas à Allah des égaux dans l'adoration alors que vous savez. C'est-à-dire que vous savez que ces idoles ou ces choses que vous adorez en dehors d'Allah n'ont rien créé. Et que le seul qui a tout créé c'est Allah, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers. Parce que le shirk, c'est quelque chose qui vient détruire le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et pour laquelle il a ordonné ses ordres et il a envoyé les livres et les messagers. Et la plus grande forme d'injustice, comme on l'a dit, c'est le shirk et c'est de faire ressembler le créateur à la créature ou de faire ressembler la créature au créateur. Et ça, c'est la plus laide de toutes les formes de ressemblance. Lorsqu'on essaie de faire ressembler ce qui est faible et pauvre en lui-même à celui qui est tout puissant et qui se suffit à lui-même, d'essayer de le faire ressembler ou de le comparer à sa créature. وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الشِّرْكِ وَسَدَّ كُلَّ الطُّرُقِ الَّتِي تُفْضِي إِلَيْهِ فقد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحالة العرب بل حالة أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة وتعكف عندها وتطوف حولها وتقرب لها الذبائح من أنفس أموالها بل حتى أولادها وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وفريق آخر أهل كتاب إما نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة واتخذت من أحبارها وقديسيها أربابا من دون الله وإما يهودية مدمرة عاثت في الأرض فسادا وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابها حتى حرفتها عن مواضعها. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma contre le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé tous les chemins qui pouvaient amener les gens à tomber dans le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors que l'état des Arabes à l'époque et même l'état du monde entier, tous les habitants de la terre excepté un petit nombre parmi les gens du livre, eh bien, la situation des hommes sur la terre était la plus laide et la plus mauvaise des situations à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, et certes Allah a fait la faveur aux croyants lorsqu'il a fait venir parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces versets et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. La création tout entière dans cette période était soit perdue entre l'idolâtrie, l'adoration des idoles, et entre le fait d'adorer des pierres et des statues et de se tenir devant celles-ci, ou de faire des circulations autour des tombes et de leur offrir toutes sortes d'offrandes et de leur offrir des sacrifices et même parfois les plus grands de leurs biens et même jusqu'à leur donner en offrande leurs propres enfants, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, ce qui signifie, et c'est ainsi que les associés qu'ils ont donnés, c'est-à-dire que les choses qu'ils ont pris, les choses que les mouchriquins ont pris comme associés en dehors d'Allah, leur ont embelli même le fait de tuer leurs propres enfants pour les confondre dans leur religion et pour les mélanger dans leur religion. Et un groupe également parmi les gens de la terre à cette époque qui étaient les gens du livre, soit des chrétiens qui étaient dans la confusion, égarés du droit chemin, qui avaient fait d'Allah subhanahu wa ta'ala trois dieux, c'est-à-dire qu'ils ont divisé Dieu en trois. Hein? Ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc au lieu d'adorer un seul Dieu unique, ils ont divisé Dieu en trois et ils ont associé Jésus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même qu'ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah pour rendre halal ce qui est haram et pour rendre haram ce qui est halal. Ou bien un judaïsme qui détruit tout et qui sème le désordre et les tribulations sur la terre et qui a brisé l'engagement qu'ils avaient pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, allant même jusqu'à jouer avec les textes de leur religion et de leur révélation pour les falsifier et les détourner de leur contexte. وفريق ثالث من المجوس الذين يعبدون النيران ويتخذون إلهين أحدهما خالق للخير والثاني خالق للشر بزعمهم وفريق رابع وهم الصابئون الذين يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في الأرض وفريق خامس هم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب وهكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جهالة جهلا وضلالة عميا فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلمات إلى النور وعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم. Et donc, parmi les groupes également qui existaient à l'époque, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également ce qu'on appelle les Majus, les Zoroastriens, ceux qui adorent le feu et qui croient qu'il y a deux dieux qui ont créé, le dieu du bien et le dieu du mal, selon ce qu'ils prétendent. Et un troisième groupe également, qui sont les Sabi'un, ceux qui adorent les étoiles, et qui adorent les constellations, et qui font des statues et qui les adorent en dehors d'Allah, et qui croient que ces étoiles ont un effet sur la terre et une influence sur les habitants de la terre. Et un cinquième groupe, qui sont les Dahriyah, c'est-à-dire des matérialistes qui ne croient en rien, qui ne croient en aucune religion, et qui ne croient pas en une résurrection, ou un jugement au jour de la résurrection. Et c'est ainsi qu'étaient les habitants de la terre à cette époque, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et les gens étaient dans une ignorance profonde, et dans un égarement aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ceux qui ont accepté son appel, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui les a guidés des ténèbres à la lumière. Et il a fait revenir la voix de Ibrahim, al-Hanifiyat al-Samha, la religion al-Hanifiyya, c'est-à-dire du pur monothéisme, de l'adoration d'Allah seul et du rejet de toute forme d'idolâtrie. Wa hadama al-awthan wa naha 'an ash-shirk wa sadda kull al-wasa'il al-mousilati ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les idoles Et il a interdit l'idolâtrie et le shirk et l'association avec Allah. Et il a fermé tous les moyens, toutes les portes qui amènent au shirk. وإليك بعض الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه مثل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وأمر بأن يقال بدل ذلك ما شاء الله ثم شئت لأن الواو تقتضي التسوية وثم تقتضي الترتيب وهذه التسوية في اللفظ شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. Et donc nous allons mentionner quelques exemples de moyens, soit dans les paroles et dans les actions, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour éviter que les gens ne tombent pas dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a premièrement interdit les formes de paroles et des expressions qui impliquent une égalité entre le créateur et la créature. Comme par exemple, lorsque quelqu'un dit « ce que Allah a voulu est ce que tu as voulu » ou « si ce n'était d'Allah et de toi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire ça, puisque ça implique une égalité entre Allah et sa création. Et il a ordonné de dire, au lieu de dire « ce que Allah a voulu et toi », plutôt de dire « ce que Allah a voulu, ensuite ce que tu as voulu ». Donc le fait d'utiliser, au lieu de dire « et », on dit « thumma », c'est-à-dire « ensuite », ça donne, au lieu de donner l'impression de l'égalité, ça donne l'impression qu'il y a un décalage et un écart entre les deux, et qu'il n'y a pas une égalité entre ces deux termes-là. Parce que le fait d'employer le terme « waouh » ou « et », de dire « et » entre Allah et sa création, dans ce genre d'expression, eh bien ça c'est une forme de shirk mineur. Et c'est un moyen vers le shirk majeur. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « ce que Allah a voulu est ce que tu as voulu. Hein, selon ta volonté, la volonté d'Allah et ta volonté. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah ? Dis ce que Allah a voulu lui seul. » Et dans un autre hadith il a dit « dis thumma » au lieu de dire « waouh », tu dis avec « thumma » c'est-à-dire « ce que Allah a voulu ensuite » toi, parce que la volonté d'Allah est au-dessus de tous. ثانياً نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور والبناء عليها وإسراجها وتجسيسها والكتابة عليها. Deuxièmement, parmi les moyens qui empêchent les gens de tomber dans le shirk, le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d'exagérer au sujet des tombeaux et de rien. Et il a interdit de construire sur les tombeaux et de mettre des lumières ou des chandelles sur les tombeaux, et il a interdit également de les plâtrer ou d'écrire quoi que ce soit sur les tombeaux ou sur les tombes dans les cimetières. ثالثا نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها لأن ذلك وسيلة لعبادتها. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre les tombeaux comme des mosquées pour faire, ou comme des lieux de culte dans lesquels on fait des prières, parce que c'est un moyen qui amène les gens à adorer ces tombeaux par la suite. رابعا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لما في ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذه الأوقات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des salawat, de faire des prières après le lever du soleil et avant son coucher, parce qu'il y a en cela une ressemblance avec ceux qui se prosternent au soleil dans ces périodes de la journée. خامسا نهى عن السفر الى اي مكان من الامكنه بقصد التقرب الى الله فيه بالعباده الا الى المساجد الثلاثه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. Le prophète صلى الله عليه وسلم, cinquièmement, il a interdit de faire tout voyage vers un endroit dans lequel on souhaite faire une adoration, dans laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté trois mosquées. Donc il interdit de faire des voyages vers une mosquée en particulier pour faire une adoration, ou vers un lieu de culte quelconque, excepté trois mosquées. La mosquée Haram à Mecca, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madinah al-Nabawiyyah, et Al-Masjid Al-Aqsa qui est en Palestine. Sinon, de faire des pèlerinages à des tombes ou d'aller visiter des tombes et faire des voyages pour y arriver, tout ça, ça fait partie des choses qui sont interdites. Sadisan, naha sallallahu alayhi wa sallam anil ghulu fi madhihi. فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراء هو المبالغة في المدح. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit: n'exagérez pas dans ma glorification de la façon que les chrétiens ont exagéré à propos du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites serviteur d'Allah et son messager. Et al-itra, hein, le prophète s'a interdit al-itra, et c'est d'exagérer dans la glorification de quelqu'un. Donc si c'est interdit d'exagérer dans la glorification du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, alors c'est encore plus interdit d'exagérer dans la glorification de quelqu'un qui est en dessous de lui ou qui est moins que lui. Wa naha sallallahu alayhi wa sallam anil wafa' wa naha anil wafa' bin nuzur idha kana fi makanin yu'badu fihi sanam aw yuqamu fihi 'eid min a'yad al jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit de respecter un vœu qu'on a fait si ça implique d'aller faire une adoration quelconque, ou de remplir ce vœu implique d'aller à un endroit où une idole était adorée, ou un endroit où les gens faisaient des fêtes de la jahiliya à cet endroit-là. Wa kullu hadha hadhara minhu siyanatan lit-tawhid wa hifadan alayhi wa saddan lil-wasa'il wadh-dhara'i' allati tufdi ilayh. ومع هذا البيان التام من النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك خالف القبوريون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره وارتكبوا ما نهاهم عنه فشيدوا القباب على القبور وبنوا عليها المساجد وزينوها بأنواع الزخارف وصرفوا لها أنواعا من العبادة من دون الله. Et malgré tout ça, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour protéger le tawhid et pour protéger la umma de tomber dans le tawhid, et tout ce qu'il a mis comme barrière, hein, pour empêcher les gens de tomber dans les causes et les moyens qui amènent vers le shirk. Et malgré cela, après toute cette clarification et tous ces moyens préventifs qui ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éloigner la umma du shirk, eh bien les adorateurs de tombeaux aujourd'hui ont contredit l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, et ils ont désobéi son commandement et ont fait ce qui leur avait été interdit. Et donc ils ont construit sur les tombeaux des dômes et des mosquées et des mausolées, et ils les ont embellis avec toutes sortes d'embellissements, et ils leur ont offert toutes sortes d'adorations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: من جمع بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكرم الناس اليوم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر ومناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. Donc l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a dit: celui qui prend la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet des tombeaux, et ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, et ce que suivaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ces choses-là, et ce que font la plupart des gens aujourd'hui, et qu'ils comparent les deux, c'est-à-dire notre état aujourd'hui, ou après à l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim, ou après l'exemple des sahaba, ils comparent cet état avec ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ils voient que l'un est en contradiction et en opposition totale avec l'autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهة لبيوت الله ونهى عن إيقاظ السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاظ القناديل عليها ونهى أن يتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب سيرفتاد الله الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله il explique et il dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit qu'on fasse des prières vers une tombe. Et ceux-là, ils font la prière vers la tombe et auprès de la tombe. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne les tombes et les tombeaux et qu'on construise quoi que ce soit par-dessus. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils construisent des choses sur les tombeaux. Hein? Et ils font de ces tombeaux-là des choses qu'on appelle mashahid pour imiter les mosquées d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de mettre de l'éclairage sur les tombeaux, soit des chandelles ou des lumières ou autres. Tandis que ceux-là, ils mettent de l'argent pour mettre des chandelles et de l'éclairage là où il y a ces tombeaux-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne ces endroits-là comme des lieux de rassemblement ou des lieux de fête. Hein? Les gens se rassemblent pourtant aujourd'hui autour de ces lieux-là et ils font des foires, ils font des rites, ils font toutes sortes de choses dans lesquelles ils se réunissent comme si c'était un jour de fête ou un rassemblement, et ils se réunissent à ces endroits-là. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les tombeaux soient nivelés au niveau du sol, puisque c'est rapporté par l'imam muslim dans son recueil de hadith authentique selon Abu al-Hayyaj al-Asadi, il dit que Ali radiallahu anhu a dit à Abu al-Hayyaj al-Asadi, je vais t'envoyer dans une mission qui est la même que celle dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé. Et il m'a ordonné de ne laisser aucune image sans la détruire, ou aucune statue sans la détruire. C'est-à-dire s'il y avait une image humaine ou animale, il devait détruire cette image. Et il a dit, et toute tombe qui est élevée, il faut la niveler, c'est-à-dire la raser au niveau du sol. Ça, c'était l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali radiallahu anhu, et c'est la sunna que les khulafa rachidin ont suivi après l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de niveler les tombeaux et de les raser au niveau du sol pour pas qu'elles soient élevées. Et aujourd'hui, ils font le contraire de ça. Ils contredisent ce hadith et ils élèvent les tombeaux comme des maisons. Et ils font même par-dessus des dômes. Hein? Allahu al-musta'an. Wa naha 'an at-tajsis, 'an tajsis al-qabr wal-bina'i 'alayh. Kama rawa Muslim 'an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha 'an tajsis al-qabr wa an yuq'ad 'alayh wa an yubna 'alayh wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-kitabati 'alayha. كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يزاد عليه وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجص والأحجار قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a également interdit qu'on plâtre ces tombeaux ou qu'on construise ou qu'on fasse une construction quelconque par-dessus. Et Jabir radiallahu anhu a dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que les tombeaux soient blanchis à la chaux ou plâtrés ou qu'on s'assoie dessus ou qu'on construise quoi que ce soit dessus. Et il a interdit également qu'on écrive quoi que ce soit sur les tombeaux ou sur les pierres tombales. Et comme c'est rapporté également selon Jabir, dans le Sunan de Abu Daoud, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que les tombeaux soient plâtrés ou blanchis à la chaux ou qu'on écrive quoi que ce soit dessus. Tandis que ceux-là, les adorateurs de tombeaux, ils prennent des plaques et ils écrivent des choses dessus, soit le Coran ou autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on rajoute quoi que ce soit à la terre du tombeau ou de la tombe. Comme c'est rapporté dans Abu Daoud selon Jabir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la tombe soit plâtrée, ou qu'on écrive dessus, ou qu'on augmente de la terre, de qu'est-ce qui est pris de la terre pour creuser le trou de la tombe. On ne doit pas rajouter autre chose que la terre qu'on a creusée. Et ceux-là, ils rajoutent des briques, ils rajoutent du plâtre, ils rajoutent de la chaux, ils rajoutent des pierres. Hein? Et Ibrahim al-Nakhai a dit, un des salafs, il disait, et il détestait les briques, que des briques soient mises sur les tombeaux. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذين لها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. Et qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? C'est que ces gens qui exagèrent au sujet des tombeaux et qui les vénèrent et qui les prennent comme des lieux de rassemblement ou des lieux de fête et qui mettent des éclairages dessus ou des chandelles ou qui construisent des mosquées et des dômes par-dessus, ils opposent la sunna et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus grave dans cela, c'est de les prendre comme des lieux de culte ou des endroits d'adoration et de mettre des éclairages, parce que cela fait partie des grands péchés. Et ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et on voit à notre époque que encore aujourd'hui, dans plusieurs pays musulmans, malheureusement, des gens font des pèlerinages à des tombeaux. Et ça fait partie des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme étant interdit. Et lorsqu'ils vont vers ces tombeaux, ils font des doigts pour les morts. C'est-à-dire qu'ils les invoquent et ils demandent à ces hommes pieux et à ces saints de les exaucer, de leur donner la bénédiction, de leur donner du risque, de leur donner un enfant ou de les guérir d'une maladie. Au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent aux morts de les guérir ou de les sauver ou de leur donner quelque chose. Et ça, c'est l'exemple des mouchriquines, c'est l'exemple des idolâtres, c'est l'exemple des juifs et des chrétiens qui adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé par exemple dans certains pays musulmans dernièrement où ils ont fait des révoltes et des manifestations. Et ça, c'est surtout les gens qui suivent les groupes et les organisations politiques dans les pays musulmans, qui se concentrent sur la politique et sur les questions qui ont rapport avec la gouvernance, mais qui ne donnent aucune importance à l'appel au tawhid et à l'appel à la base de la religion et qui ne mettent pas en garde contre le plus grand de tous les péchés qui est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans leur pays, comme par exemple certains de ces pays-là, eh bien il y a des endroits où les gens vont faire des pèlerinages par millions. Et dans une seule de ces tombes où les gens vont, par exemple, un de ces saints qu'ils appellent Al-Badawi, quand ils vont là-bas, chaque année, 3 millions de personnes vont faire des pèlerinages à cet endroit et visiter ce saint. Et quand c'est dans d'autres villes, dans d'autres pays, c'est la même chose aussi. Et ils vont par millions et faire des endroits, visiter ces tombes et faire des pèlerinages à ces endroits-là. Et ils adorent les morts en dehors d'Allah, et ça c'est du shirk. Et ces groupes islamistes, soi-disant qui veulent la sharia d'Allah, et qui prétendent vouloir appliquer la sharia d'Allah, ils voient ça qui est le plus grand de tous les péchés, la plus grande de toutes les injustices, et ils se taisent, et ils ne disent pas un mot contre ça. Même que le fondateur de ces groupes islamiques faisait partie de ceux qui approuvaient de ces actions-là, et qui justifiait de ces choses-là, et qui faisait partie de ceux qui allaient justement prendre part à ces activités-là avec les gens qui le font. Parmi les Rafidah en Iran, et également ailleurs, parce que ce sont eux qui insistent beaucoup sur le fait de construire des mosquées sur les tombeaux, que ce soit les gens des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appellent Ahlul Bayt. Ils les adorent en dehors d'Allah, ils construisent des mosquées sur leurs tombeaux et ils font des pèlerinages à Najaf et à Karbala et dans ces endroits-là. Et il y a également les autres, parmi les soufis et les ignorants qui les suivent, qui font la même chose dans différents pays musulmans, d'adorer les tombeaux et de prier des saints et d'adorer des morts, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'enseigne dans le Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعلمنا التوحيد يا رب العالمين واجعلنا من الذين يعملون به ويموتون عليه وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى